au cerveau. Dès que j'entends tes paroles, t'es pas là. Dès que j'écris tes balades, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, non, t'es malade, j'ai pas là. Quand t'es tout là, j'vais pas baisser le mal à la lettre. J't'épargne si on paye. Solo dans ma parcours, j'vais même pas, sinon j't'aide. Faut que la panache, j'vais m'apparaître. Que j't'ai pas, de l'embarras, pour le débarras. Tiens, j'entends tes paroles, t'es pas là. Dès que j'écris tes balades, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, non, t'es malade, j'ai mal à la tête. J'perce et j'monte le ratio, man. J'libère la place, j'suis bien là-bas, j'réponds pas si on t'aime. Dans l'ange de la super, super, on verra si on t'aime. Faut tout le monde est malade. On t'es malade, on t'es pas. Moi cherche l'envie, y'a pas de fou irremplaçable. On a les fondations dans le vide, mais le sourire enfin sainte. Moi j'ai connu l'empire, moi c'est fou rire, c'est faussette. Y'avait rien à retenir, non le souvenir c'est fin ça. Ils veulent qu'on lâche mais on va pas céder. Le corps en otage, non on va pas s'aimer. J'plain, c'était plein, c'est la place de mes devoirs. C'était plein, c'est que j'partais, ouais j'rappe mais j'm'en pas de céder. J'demande aux étoiles s'ils ont nouvelles de mes proches. T'es dans un 6 étoiles, tu me dis tout ben tu m'étonnes. Moi j'mate la ville des toits, j'fume des bars, j'fume des prods. Tu nous aides donc le rendras, j'te prête le bras, tu m'épaules. J'entends des mots sombres dans l'essence. J'sais pas quoi penser du mot qui me vient. J'mets de l'émotion dans ma sang. J'fais que compenser mon quotidien. C'est qu'un vrai refrain en vaut deux, le dernier revient en deux, distrait. Quand je revois toutes les photos, les vieux deuils, frustré. Mais toujours monte mon poteau en fauteuil. Tiens que j'entends tes paroles, mais t'es pas là. Tiens que j'écris tes paroles, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, t'es malade, j'ai mal à la tête. Quand t'es tout là, j'vais baisser le mal à la lettre. J't'épargne si on paye. Solo dans ma barque, j'fais mes pas, sinon j't'aide. Faut que la panache, j'fais ma barque, que j't'épargne, de l'embarras, bon débat. Tiens que j'entends tes paroles, mais t'es pas là. Tiens j'écris des paroles, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, t'es malade, j'ai mal à la tête. J'perce et j'monte le ratio, man. J'libère la place, j'suis bien là-bas, j'réponds pas si on t'aime. Dans l'ange de la super, super, on verra si on t'aime. Faut que tout le monde est malade, on t'est pas, on t'est malade, on t'est pas. J'sors en ville, j'lève la tête. J'laisse ma pièce pour pas que la misère m'atteigne. Cette nuit la fille, ouais, m'attelle. Après minuit, c'est fini, ouais, j'digère ma taille. Elle veut bien que j'la mette, réclame de la finesse. Un gros mal à la tête, ouais, tout ce que la vie laisse. J'suis paumé dehors, j'attends que la pluie cesse. Mes collègues, ma canette, mon joint et ma tristesse. Mais j'ai toujours la force et l'impatience. Que faire de ma place, je veux faire des sous, que faire de mon point de science. Ouais, je m'y sens là-bas, je me sens à part. Ni au-dessus, ni au-dessous, tout ça n'a pas de sens. Si y'en a pas d'isquaire, viennent quand on perd des frères. Non, on perd les frères, mais faut qu'on persévère. Tonton, couche-toi, bonheur, t'inquiète, je gère l'affaire. Non, cherche pas le bonheur, non, là, je cherche mon verre. Là-dedans, je veux qu'on se gourne, non, nada sur le compte courant. J'ai bien compté les points de côté, on se fatigue beaucoup plus vite quand on marche sur le compte courant. Chante, j'ai plus la chance du départ. Cherche pas la joie, non, tant que la joie nous cherche pas. Je coupe le nombre de choix que j'ai pas, le nombre de gens que je dépends, le nombre de gens que j'épargne. J'attends tes paroles, mais t'es pas là. J'écris tes paroles, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, le monde est malade, j'ai mal à la tête. Quand t'es tout là, j'vais baisser le mal à la lettre. J't'épargne si on paye. C'est lourd dans ma barre quand j'fais mes barres, sinon j't'aide. Faut que le panache, j'vais ma barre, que j't'épargne, te l'embarras, bon débat. Tiens, j'entends tes paroles, mais t'es pas là. Tiens, j'écris des paroles, j'vais pas par là. J'ai toujours écrit pas l'offre. Les démons dans la main, le monde est malade, j'ai mal à la tête. J'perce et j'monte le ratio, man. J'libère la place, j'suis bien là-bas, j'réponds pas si on t'aime. Dans l'ange de la super, super, on verra si on t'aime. Faut que tout le monde est malade, on t'est pas, le monde est malade, on t'est pas.